Chapitre 3e. L'automne se passa, et l'hiver aussi. Le 1er mai, les portes du salon s'ouvrirent, selon leur habitude, et les deux toiles de Chérency furent au nombre des plus remarquées. L'une représentait un épisode de chasse, son sujet favori. L'autre, inscrite au livret sous ce titre, en wagon, fut un des tableaux de genre les plus populaires de l'année. Le peintre s'était borné à reproduire ce qu'il avait vu, ou cru voir. Après avoir rendu de souvenirs, aussi bien qu'il l'avait pu, la pose charmante, les traits, l'expression ambiguë du visage de la voyageuse endormie, et cet effet de lune qui l'avait tant séduit, Paul s'était amusé à compléter les détails avec une exactitude rigoureuse. Rien ne manquait, ni le décor du wagon, ni le costume fidèlement conservé, malgré sa simplicité peu décorative, ni le bouquet épars sur les genoux de la jeune femme couchée, ni la rose rouge retrouvée et frappant le tapis d'une tache écarlate. Ce qui serait drôle, pensait le peintre, ce serait qu'elle vit mon tableau et qu'elle s'y reconnût. Parbleu, je suis curieux de savoir ce qu'elle ferait. Elle ne fit rien, et cependant on ne pouvait guère admettre qu'elle n'eût point vu la toile. Non seulement l'œuvre avait attiré tout Paris par sa note vraie, moderne, amusante, et par sa facture délicatement spirituelle, mais encore tous les journaux d'images l'avaient expédiée à l'état de reproduction dans les bourgades les plus perdues de France. Paul avait bien conçu des offres de quelques marchands de tableaux, mais il ne se pressait pas d'y répondre. Son œuvre lui plaisait, et il songeait à la garder pour lui. D'ailleurs, il était sûr de s'en débarrasser quand il voudrait. L'autre toile, d'une valeur moindre, était déjà vendue à un prix fort agréable. Un jour, à l'approche de la clôture du salon, Chérency reçut par la poste un billet ainsi conçu. La comtesse de Chalonne serait fort obligée à M. Paul de Chérency de vouloir bien fixer un prix pour sa toile exposée sous le numéro Hôtel Vouimot. Elle y a mis le temps, mais enfin je la tiens, pensa l'artiste, fort amusé de l'aventure. Une comtesse. Eh bien, je m'en doutais. Aujourd'hui, les femmes de l'aristocratie se distinguent des bourgeoises par la simplicité de la tenue. Quant à lui faire payer mon tableau, parbleu non, je ne veux pas lui prendre son argent à cette provinciale. Car c'est une provinciale, puisqu'elle descend à l'hôtel. On se fera prier pour accepter le présent, puis on cédera, et l'on se tirera d'affaire en envoyant un bibelot au peintre. En attendant, je vais la voir, et si c'est une femme d'esprit, la rencontre sera drôle. C'est ainsi que Paul recommençait la fable de la laitière, et certes, personne n'aurait pu taxer d'impertinente les ambitions de cette Perrette désintéressée. Perrette ne sautait point, mais elle prenait par avance beaucoup de plaisir à son histoire, et non sans quelque impatience, elle attendait qu'il fût temps de partir pour le marché. En déjeunant à son cercle, Chérency se renseigna. Les Chalonnes, lui dit un ami, sont des gens de qualité. Ils habitent un château près de la grave d'Ambarès. Le marquis doit être fort âgé. Quant au comte, on le voyait à Paris avant son mariage. Depuis, il est calfeutré dans ses terres. C'est un vigneron convaincu et d'ailleurs fort riche. On dit que sa femme est très belle. Pas si belle que ça, répondit Paul, mais très gracieuse. Vous la connaissez donc ? Chérency ouvrait la bouche pour dire que tout Paris la connaissait, par une certaine toile du salon. Mais il aurait fallu compter l'épisode qui pouvait donner lieu à des interprétations saugrenues. Il s'arrêta court, parla d'autre chose, et la pendule marquant 2 heures, il sortit pour gagner la rue Boissy-d'Anglas. Son siège était fait quand il monta l'escalier, c'est-à-dire qu'il avait bâti d'avance un colloque léger, spirituel, avec une pointe de galanterie comme il faut et de malice de bonne compagnie. Une scène de Marivaux, modernisé par Feuillet. Comme de raison, il gardait pour lui le beau rôle. Quant au dénouement classique, il faudrait bien s'en passer, Angélique étant mariée à ce qu'il venait d'apprendre. Une péripétie imprévue fit tomber la pièce dès le lever du rideau. Paul fut introduit, sur l'exhibition de sa carte de visite, en présence d'une grande femme brune à l'air imposant, très belle, qui gantait en ce moment pour sortir, des mains comme les artistes n'en peignent pas souvent. La toilette était d'une personne qui se rend justice, mais tempère l'effet de sa beauté plus qu'elle ne la souligne. Une jolie fillette de 7 ans, portant à la façon d'une hallebarde le parasol maternel, regardait fièrement approcher l'étranger. Le garde du corps était digne de la reine par sa gentillesse, et tout le tableau respirait une grâce exquise. Mais Chérency ne s'occupait guère du tableau qu'il avait sous les yeux, ni de l'autre, celui qu'il était venu vendre. Il ne voyait qu'une chose, c'est qu'on lui avait changé son inconnu. D'un air préoccupé, il dit « Pardon, madame, la comtesse de Chalonne. » L'inconnue brune eut pendant une demi-seconde la mine d'une personne qui s'amuse beaucoup. Puis elle reprit son grand air et répondit « C'est moi, monsieur. » La petite fille semblait tomber des nues à l'aspect de cet Iroquois qui ne connaissait pas la comtesse de Chalonne. « Monsieur, dit la mère en indiquant un siège, vous êtes trop bon de vous être dérangé pour me répondre. 2 lignes suffisaient. Votre toile est charmante et j'espère qu'elle est à moi. » « Mon Dieu, madame, elle n'est pas à vendre, » répondit Paul, très mécontent d'amuser les autres là où il comptait s'amuser lui-même. « Et c'est pour me dire cela que vous êtes venu, » fit la comtesse en enveloppant Chérency d'un regard où perçait presque de la colère. On était loin de Marivaux. Paul, acceptant le combat, ne fit pas attendre la riposte. « J'étais venu pour voir la personne qui me faisait l'honneur de m'écrire. Et maintenant que vous l'avez vue, maintenant que je l'ai vue, je sens doubler mon regret de ne pouvoir satisfaire son désir. » À la flamme qui brilla dans les yeux de son interlocutrice, Paul comprit qu'elle n'était point habituée à ce qu'on lui tînt tête. La petite fille, rouge d'indignation, semblait n'attendre qu'un signe de sa mère pour étendre mort à ses pieds cet audacieux. Déjà, madame de Chalonne se levait, laissant Paul maître du champ de bataille. C'est à ce moment d'ordinaire que nous commençons à plier, nous autres, quand l'ennemi est une femme. Pour peu qu'elle soit jolie, c'est une déroute. « Madame, fit Chérency, daignez m'écouter. Je suppose que le hasard m'a fait voyager avec vous une nuit tout entière et que vous ayez dormi consciencieusement d'un bout du trajet à l'autre. Je suppose encore, et la chose n'a rien d'invraisemblable, que j'ai vu là le sujet d'un tableau fort agréable. Le mien vous paraît-elle, puisque vous voulez l'acheter? Je suppose enfin que le tableau soit fait avec une ressemblance de mémoire peut-être assez grande. Aimeriez-vous le voir tomber en des mains inconnues? Non, mais je n'aimerais pas beaucoup mieux le voir rester dans l'atelier du peintre, au milieu d'études plus ou moins banales. En venant ici, je pensais, je l'avoue, me trouver en présence de mon modèle, ou plutôt de mon inspiratrice, et dans ce cas, ma réponse ne pouvait être douteuse. Claire de Chalonne parut subitement très radoucie. Elle réfléchit un instant, puis elle dit « Vous parlez un homme délicat, monsieur. Voulez-vous me croire sur parole si je vous dis que votre toile, acquise par moi, passera directement aux mains de son inspiratrice, comme vous l'appelez ?» Je ne puis l'appeler autrement puisque j'ignore son nom. Dites-lui donc que la toile est à elle. Merci, monsieur, mais il reste à convenir. Du prix, non. Un artiste amateur, comme j'ai le malheur d'en être un, a le droit de ne pas faire payer ses tableaux. Je n'espérais pas d'autre paiement que le plaisir de revoir une gracieuse femme à qui je dois, après tout, des excuses pour l'avoir fait poser à son insu. Vous lui direz cela, madame. Elle a sans doute ses raisons pour ne pas se montrer à moi. Je les respecte, quelles qu'elles puissent être, mais votre ami aurait pu, je vous assure, compter davantage sur la discrétion d'un galant homme. » Il songeait à ses baisers confiés aux zéphyrs, à ses roses baignées de larmes, et se disait qu'apparemment la voyageuse de l'automne passé redoutait une confrontation avec leurs témoins involontaires. La sonnette retentit à la porte de l'appartement, et madame de Chalonne parut soudain fort contrariée, au point que le sang monta vers ses joues. Enfin, se résignant au seul parti à prendre, « Va ouvrir, Marthe, » dit-elle à sa fille. Presque aussitôt, l'on entendit des exclamations de joie, des bruits de baisers, et l'enfant reparut en sautant comme un cabri et en criant à sa mère « Tante Nadia! Tante Nadia !» La tante Nadia fit son entrée. C'était l'inconnue du wagon. Depuis le jour du vernissage, elle avait la tête plus montée qu'elle ne voulait bien le dire par le tableau de Chérency. Depuis une semaine, elle avait laissé à sa prudente cousine, sur les conseils de celle-ci, le soin de négocier avec le peintre sans paraître elle-même. Elle mourait d'envie de posséder la toile, mais elle ne voulait pas de Roman et Claire de Chalonne, son ange gardien, en voulait encore moins qu'elle. Ce voleur de roses, car elle savait toute l'histoire, ne disait rien de bon à la sévère parente. On eût bien étonné Nadia, on l'eût désappointé aussi peut-être, en lui disant que la rose n'était pas au fond d'un coffret, que le peintre ne l'avait pas baisée à journée faite, tandis qu'il brossait la fameuse toile. Quant à celle-ci, les deux cousines étaient tombées d'accord que c'était un artifice ingénieux pour retrouver Nadia. Au fond, elles n'avaient pu s'empêcher d'admirer cette ruse. Rien de tel que les femmes très honnêtes pour voir du roman partout. Il faut ajouter qu'elles n'en ont pas toujours une peur aussi sincère que Madame de Chalonne et sa parente l'avaient dans la circonstance. Avec tout cela, l'ennemi était dans la place. Mais il faut avouer qu'il n'eut point, d'abord, l'air d'un vainqueur prêt à commencer le pillage. Il regardait Nadia, mais sans projet belliqueux, seulement pour voir s'il l'avait faite ressemblante, et il eut le plaisir de constater le succès. Sous ce regard, Nadia sentait courir de petits frissons. Quant à Claire, observatrice plus calme, elle s'était subitement rassurée, en quoi elle n'avait pas raison, car Paul de Chérency commençait à retrouver sa compagne de voyage avec sa grâce émue et captivante. Et cette fois, si l'imagination était moins intéressée, quelque chose qui ressemble fort au cœur l'était davantage. La conversation s'établit, mais les deux femmes en firent les frais. Décidément, la comtesse de Chalonne n'avait pas la main heureuse. En voulant fermer la porte au roman, elle ouvrait la fenêtre. Grâce à elle, Paul apprit l'histoire du bouquet. Les roses avaient été cueillies par Claire elle-même, et c'est à celle-ci, venue à la gare pour reconduire sa cousine, que s'adressaient les larmes et les baisers de Nadia. Ainsi, le terrain était libre, ou du moins pouvait l'être, et Chérency reçut cette nouvelle avec un plaisir qui l'étonna lui-même. On se quitta là-dessus. Comme de juste, le peintre avait eu un geste superbe quand on était revenu à la question financière. « Je demande une seule chose, avait-il dit. J'ai mon amour-propre d'artiste, et je tiens à ce que mon œuvre atteigne complètement la ressemblance. Il faudra que madame prenne la peine de venir une ou deux fois dans mon atelier pour quelques retouches d'après nature. » Que répondre à une demande si juste? Madame Fresnel vint poser deux fois, escortée par Claire. Marthe, devenue la grande amie de Paul depuis qu'il se conduisait si bien, chaperonnait sa mère et sa tante. Il fallut que madame de Chalonne emporta par-dessus le marché un crayon de sa fille, enlevé en 2 heures, et qui était une charmante chose. Enfin, la mère et la fille retournèrent à la pré. Le peintre avait demandé et obtenu la permission d'aller livrer son tableau lui-même. 4 ans après, comme on l'a vu en tête de ce récit, la livraison n'était pas finie.